17-11, activation orale, métier au masculin et au féminin. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Il est pompier. Et vous dites. Elle est pompier. 2. Il est ingénieur, chez Renault. Elle est ingénieure, chez Peugeot. 3. Il est chef de service au ministère. Elle est chef de service au ministère. 4. Il est médecin. Elle est médecin. 5. Il est agent de police. Elle aussi, elle est agent de police.